Radio Pays, 101.3 à Kourou, partageons l'essentiel. Attends, t'es en train de me dire que t'avances pas dans ton chantier car t'as pas reçu tes matériaux? Tu connais pas Leadermat? Leadermat, c'est la référence pour tous les matériaux de construction à Cayenne. Plus de 12 000 mètres carrés dédiés aux gros œuvres, second œuvres, métallurgie, outillage, équipement de chantier, armature, agrégats pour des chantiers réussis. En plus, tu es accompagné par une équipe de professionnels et tu peux même bénéficier de prix préférentiels avec la carte de fidélité. Alors que demander de plus? Une seule adresse, immeuble Saprose et Collery West à Cayenne. Leadermat est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 16h et le samedi de 8h à 12h. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Leadermat Guyane. Même goût, même saveur, même plaisir. Surprise! Le Fanta exotique change d'apparence. Nouveau packaging, nouvelle étiquette. Mais toujours cette saveur irrésistible et gourmande. Le même goût tropical dans un habit tout neuf. Le Fanta exotique devient le Fanta délice tropical. C'est top! Fanta délice tropical, c'est un nouveau look. Mais avec la même recette unique. Fanta délice tropical. Pour votre santé, bougez plus. Irakubo, c'est notre maison. Et une maison, ça se respecte. Elle mérite toute notre attention, chaque jour. Gardons nos rues propres, utilisons les poubelles, respectons les équipements publics. Bancs, toilettes, abribus, jeux d'enfants. Ce sont des services pour tous. Les abîmer, c'est pénal. Les préserver, c'est essentiel. Les toilettes publiques ne sont pas des dépotoirs. On les garde propres, on les utilise avec soin. Un geste simple, c'est un mieux vivre pour chacun. Des efforts partagés pour un cadre de vie serein. Irakubo mérite notre respect. Agissons ensemble pour la propreté, le civisme et l'avenir de notre commune. Chez Guyane Matériel, profitez de la puissance de la gamme MSCV avec les engins de chantier Hitachi. Pelles et mini-pelles de 1 tonne 9 à 35 tonnes. Vente, pièces détachées, entretien, réparation, un service complet, local et réactif, proche de chez vous. Venez découvrir notre parc de machines en stock et nos possibilités de financement au 5 rue Raoul Tanon de Pélissier à Zédi Collery Cayenne au 0694 45 53 27. MSCV avec Hitachi, c'est solide, fiable et disponible. Guyane Matériel, votre partenaire chantier de A à Z. C'est enfin les vacances et elles s'annoncent légères chez Nicolas Guyane. Du 1er juillet au 31 août, cap sur la fraîcheur avec notre sélection spéciale vacances. Des bulles, des vins et des spiritueux à découvrir, des offres exclusives et de belles surprises à partager. Notre coup de cœur à ne pas manquer, le mousserie va rosé brut IGP Méditerranée, un rosé pétillant, élégant et plein de fraîcheur. La bouteille de 75 centilitres, 12 degrés et à seulement 12,50 €. Retrouvez-nous vite dans vos boutiques Nicolas Guyane, route de Montabo à Cayenne et au Family Plaza à Matoury, ouvert du lundi au samedi. Nicolas, révélateur de plaisir depuis 1822. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Maman, maman, as-tu pensé à ma liste scolaire pour la rentrée des classes? Les copains ont dit d'aller à Majuscule. Ils nous préparent toute ma liste gratuitement. Ils préparent ta liste gratuitement? Bien sûr, tu la déposes en magasin, par mail ou maintenant sur leur site majuscule-gf.fr. Bonne idée. Pendant qu'on part en vacances, je dépose ta liste de fourniture scolaire à Majuscule. Oui, et on la récupère en rentrant. Et en plus, tout est à petit prix. À petit prix? Allez, on va de suite à Majuscule. Majuscule, votre magasin de fournitures scolaires et de bureaux à prix discount. Zedi Collery 5 à Cayenne, en face de Midi Bureautique et Jiffy, comptoir@officefourniture.fr. Et n'oubliez pas, majuscule-gf.fr. Majuscule, partenaire des enseignants. Du 2 au 20 juillet, c'est l'heure des grillades chez Megastock. Les travers de porc origine Danemark sont à 5,99 € le kilo. Oui, 5,99 € le kilo pour des travers de porc savoureux à partager sans modération. Le bon plan gourmand des vacances. Megastock, mon club entrepôt. Pour votre santé, bougez plus. Du 2 juin au 12 juillet, ne ratez pas les promotions de la fête des pères aux établissements d'Alfraz. Incroyable, la perceuse visseuse sans fil 16 volts à 53 €. Le mélangeur évier ERA à 22 €. Le seau d'eau peinture acrylique de 10 litres à 21 €. Une mallette d'outils 61 pièces à seulement 53 €. Ou encore la réglette LED 60 cm complète IP20 Mila à 14 €. Et bien d'autres offres disponibles sur le site d'Alfraz.fr. Avec les établissements d'Alfraz, vous êtes sûr de lui faire plaisir pour pour la fête des pères. N'oubliez pas, dalphrase.fr, le site des bonnes affaires. Oui, je sais, à dominer nous cacher. Mais tu pas gagné ton portable même. Accès à tout cagaré grand. Mon gars, en fait data illimité plus Digicel là. Alors, qui c'est l'INAM ou bien Guyana, blada, mon gars était connecté de vrai. En plus, gay offre famille. Forfait à coûter seulement 29,99€. Visio Game Team Moon et tout ça qui a passé sous la tête. Forfait data illimité plus à partir de 29,99€ par mois pendant 12 mois avec l'offre famille Digicel au lieu de 49,99€. 5 heures d'appel, SMS illimité et 30 gigas d'internet depuis le Suriname. Digicel Caribbean for Life. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 18 août 2025, voire conditions en boutique ou sur digicel.fr. Regarde Lola, ce magasin a l'air incroyable. Maman, viens voir cette robe, elle est trop belle. Oh oui, elle te va à merveille. Et regarde cette couleur, parfaite pour toi. Maman, on peut aussi prendre tes sandales, elles brillent. Pourquoi pas, c'est notre journée shopping. Venez vivre des moments inoubliables avec vos enfants. Chez Gémeaux, la mode est aussi une question de partage et de complicité. Gémeaux, taillé pour la vie de famille. Même si à l'instant sur Radio Pays, dans quelques petites minutes, le retour de l'information nationale avec la rédaction d'RTL. Mais tout de suite, c'est Nicey T-Boog sur Radio Pays. En route et couramment à l'arrivée, en café fait très attention pour nous, mais pas salir. A pas changé en juste ni un petit bouc à grandir. Priorité à moi c'était tri des vrais souris. Avant l'iPhone, moi c'était drogue, flex et pétasse. Et puis alcool en l'arri, là t'es qu'à ni pétage de plomb. Aller en vélo, ni ça qui l'efface. Mon petit cri de l'effort, il gagne ni des serrages de boulot. Fais vrai qu'a grandi pour apprendre les petites notions, expliquer qu'a qui la vie. Un but premier à moi c'est de mettre à l'abri, lui expliquer que le bon Dieu sera son seul ami. Ce que j'ai appris au sein de ma famille, maintenant que j'en ai une, je dois le transmettre à ma famille. Savoir différencier ce qu'est le lock, ce qu'est les vannies. Expliquer que c'est pas bon, bah il faut qu'il banni passe. Les années qu'a passé, ça qu'a passé tellement vite. T'es moi qui t'es qu'à comprendre, t'es jamais né tellement vite. Chaque fois on parle, on qu'a sorti casse là tellement vite. D'aller là, qui est là, à pas bas moins, c'est là qu'à vivre. Depuis 3 ans qu'a sorti moins vivant. Depuis où là, où t'es dit qu'il y a un vin puissant. Gardez pas, avant moi, sa vie non évidence. Depuis où là, c'est vrai, à changer existence. Si vous, comme moi, pourquoi faire fierté à papa, à carroger. Depuis où là, pas souci. Si vous, comme moi, les comptes avec vous, Nathalie Miché. Bonjour Nathalie. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Il n'y aura pas de procès pour la gestion du Covid-19 par l'ancien gouvernement. Comme requis par le parquet, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a prononcé un non-lieu cet après-midi en faveur de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, ainsi que les anciens ministres de la Santé Agnès Buzyn et Olivier Véran. Dans son réquisitoire, le procureur avait estimé que le gouvernement avait pris de nombreuses initiatives pour combattre la pandémie. À Marseille, 10 des 16 prévenus ont été reconnus coupables dans le procès de l'effondrement de la rue d'Aubagne en 2018. 8 personnes avaient été tuées. 2 copropriétaires ont été condamnés à 4 ans de prison, dont 2 en ferme. Un troisième à 3 ans de prison, dont 1 en ferme, a effectué sous bracelet électronique. L'expert architecte et un ancien adjoint au maire ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. Procès emblématique du fléau de l'habitat insalubre. Dans le département du Var, environ 4 hectares calcinés par les flammes, désormais maîtrisés. Le feu a pris en fin de matinée à Fréjus. Il a fallu évacuer un camping et une dizaine de maisons. Au total, 1200 riverains et vacanciers se sont retrouvés au bord de la route avant de pouvoir rentrer. Venue du Nord-Est avec sa petite fille, Patricia s'inquiète pour la suite de son séjour. Vers 11h20, ils nous ont évacués d'urgence, mais ils n'ont même pas laissé le temps. Il fallait évacuer vite. Ma petite fille était au mini-club. Ils nous ont interdit de sortir les voitures. L'important, c'était de sortir les gens parce que en mouvement de panique, tout le monde voulait sortir le véhicule. Et donc, ils nous ont évacués. C'était un moment de panique au début, je suis un peu moins rassurée. Je sais qu'il va y avoir du vent pendant 3 jours à 90 km/h, là on nous a dit. Ça peut repartir comme ça, donc je sais pas ce qu'on va faire. Patricia Fréjus au micro de Marie Bonnet-Blanc. Le Var fait partie des 3 départements en vigilance rouge ce lundi pour le risque d'incendie avec les Bouches-du-Rhône et l'Aude. À la bourse de New York, la valeur de Tesla dans le rouge en réaction aux ambitions politiques d'Elon Musk, moins 8% quasiment à l'ouverture de Wall Street. Au cours du week-end, le patron du constructeur de véhicules électriques a annoncé la création de son propre parti, le Parti de l'Amérique. Vivez le Tour de France 2025 sur RTL. On prend la route entre Valenciennes et Dunkerque pour la 3e étape du Tour de France. Nicolas Georgerot, il reste moins de 80 km à parcourir. Oui, 76 précisément, et donc un petit peu moins de 2 heures de course encore. C'est loin d'être décanté, évidemment. Peloton groupé pour l'instant, on vous lit depuis le début de l'après-midi. La vitesse de ce peloton va augmenter peu à peu. Passage par la localité de Vendin-les-Béthunes à l'instant. Les équipes de sprinteurs aux avant-postes pour réguler l'allure. Une allure qui est en train d'augmenter au moment où les coureurs sont vraiment sur une course très large avec un bon bitume, et on voit un petit peu plus de vitesse maintenant. On voit ces équipes de sprinteurs comme Soudal Quickstep de Tom Merlier qui s'est raté samedi pour l'ouverture de cette grande boucle, ou encore l'équipe Alpecin de Mathieu Van Der Poel, le maillot jaune, et Jasper Philipsen, le maillot vert. Dans 20 km, ce sera le sprint intermédiaire très probablement disputé. C'est à Isberg, 17 points d'écart au classement, on le rappelle, entre Philipsen et Kirmay dans ce classement maillot vert. À tout à l'heure. Nicolas Georgerot, merci, à tout à l'heure pour le prochain point dans moins d'une demi-heure sur RTL. Partagez toute la passion du cyclisme avec la guinguette des supporters Intermarché Wanty pour vivre et célébrer le cyclisme à 100%. La météo pour demain, retour du soleil sur la majeure partie du pays. Seul le Grand Est va conserver des averses orageuses. Elles devraient s'évacuer en cours de journée. Il fera 18 degrés à Chaumont, une maximale de 21 à Aurillac, 28 à Perpignan, 31 à Calvi. Les courses ce lundi, direction Châteaubriant, départ à 18h. Dominique Cordier nous conseille de jouer jouer le 3, le 13, le 14, le 4, le 12, le 9. Hélas, l'outsider de RTL, c'est Imelda, le numéro 4. 16. Radio Pays.